Riska, Riska, Riska. Hey, hey. Elle veut pas sortir de ma peau. Si je lève le pull, si je sors le long riff, c'est pas pour te montrer mes abdos. Je sors des albums sous commission, 5 fois platine, complètement bourré. Je sais me couvrir, j'évite les frissons, donc je sous-traite, je sais m'entourer. Bagarre général avant la mi-temps, after de bandits sur la rue Pontieu. Fusil à terre, à vague de gitans, les menaces de Mars et sur le bon Dieu. Équipe choisie, carter du 9-4, banque de Lyonnais, gros braqueur de Suisse. Des vendeurs d'enfants complètement rabattes, ton carré d'Ukraine, arracheur de cuisses. La rue c'est son petit frère. Y'a pas d'âge, la haine c'est puissant. Il faut les foutre, tu fais ce que tu sens. Tu veux plus de sous, tu veux que du sang. Va leur dire que dehors c'est pas funky. Que tu croiseras pas 57. Dans la head, y'a deux vieux junkies. Très chétain qui tire les ficelles. Nous la rue, on l'a fréquentée. À l'affût comme des brigantés. Trop pucé par les séquentiels. Une enfant presque torrentielle. Cousine, t'as un gros cul, t'as du potentiel. C'est pas Rio mais le 85 trait. Gros coup de socro dans les deux traits. Pour qu'ils se rétractent le jour du procès. Donc obligé de riposter. Dans ton haut les balles faut ricocher. La faucheuse appelle le boucher. Et t'es couché, ils t'ont fauché. Sur Robert tu payes cher le loyer. Alors ça pue la puce dans l'ascenseur. Comme un surf je m'attire des ennuis. Mais je préfère ça que d'être un suceur. Où sont mes brigantes? Narcotrafiquante. Si tu biqueras verro tu compteras tes thunes dans maison hantée. Lettre anonyme envoyée. Parce qu'ils veulent me rater, ton tarpé, ta réputa que j'ai tes autos, ouais, c'est des grosses de merde. Réveille-toi, l'argent ne dort pas. Vapille, j'apprends toujours la mentale. J'crois que c'est les jeux qui te rendent fouga parce que les dés ne mentent pas. Nous la rue, on l'a fréquenté. À l'affût comme des brigantés. Au volant, si t'as hantise, j'passe des rapports consentis. Pute, des coupes en pentise. L'arrivage vient droit des Antilles. Elle aime les cunis, filet Rancini. Moi et Tennessee, tu sais mes tunis. J'veux vivre comme un pacha, fumer ses chiens comme gacha. Bug circoncis, canon scié. Passe en miettes, écharpe sous le pied. J'suis chelou comme un mec du 9-3. J'démarre vite comme un S63. Je viens d'Afrique, il me faut du fric. Deux ou trois briques, il me faut un cric. Un compte en Suisse pour t'ouvrir les cuisses. Quand les flics viennent, je lâche du laisse. Quand t'as plus rien, tu sais ce qu'il te reste. Pour ces bâtards qui retournent leur veste. Pour les enculés, mets-moi en guest. Nous la rue, on l'a fréquenté. À l'affût comme des brigantes. Potentiel.